Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Terrible catastrophe. La plus terrible catastrophe des temps modernes, une catastrophe qui jette entièrement dans l'ombre le tremblement de terre d'Ischia, vient de se produire dans l'île de Java et des îles adjacentes. Voici le récit de ce tragique événement. Samedi soir, une éruption volcanique a commencé sur l'île de Krakatoa, île située dans le détroit de la Sonde, à 100 milles de l'île de Java. Dimanche, un formidable raz-de-marée s'est fait sentir dans le détroit et jusqu'à une distance de 500 milles. Les vagues atteignaient une hauteur prodigieuse et la température des eaux était très élevée. À midi, dimanche, le Makanuru, volcan énorme de Sava, et le Gunung, autre terrible volcan qui est le plus grand cratère du monde, se mirent à vomir des nuages de cendres, de poussière, de pierres brûlantes et des torrents de lave. Bientôt après, 15 autres des 45 cratères de l'île se mirent en activité. L'atmosphère était chargée d'électricité et de formidables trombes ajoutaient à l'horreur de la catastrophe. Les habitants s'enfuyaient de tous côtés, fous de terreur. Jamais, peut-être, le monde n'a été le théâtre d'un pareil désastre. On porte le nombre de morts à 75 000. Pendant toute la journée du dimanche et pendant toute la nuit de dimanche à lundi, l'éruption a continué, devenant de plus en plus violente. Un des cratères a rejeté un immense bloc de glace qu'on croit provenir de quelques lacs souterrains. Une chaîne de montagnes, ayant 65 000 de long, a été engloutie et remplacée par la mer. Des villes, des villages et des îles ont complètement disparu. Une étendue de territoire de 50 000 carrés est recouverte par l'océan. D'autre part, de nouvelles îles ont surgi dans la sonde, rendant la navigation très dangereuse. Le cours d'une rivière a été changé. 16 nouveaux volcans sont sortis du fond de la mer. Inutile de dire que les survivants sont au désespoir en face de ce cataclysme épouvantable. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.